Et aujourd'hui, vous ne pouvez absolument pas manquer Futur Simple car nous avons une émission spéciale 24 heures de science et plein de belles occasions de sorties divertissantes à vous proposer. Alors entrons sans plus tarder dans le vif du sujet pour savoir qu'est-ce que c'est le 24 heures des sciences. Et c'est Valérie Borde qui va nous le dire. Donc Valérie Borde est journaliste scientifique, blogueuse à l'actualité, entre autres parce qu'elle porte de nombreux chapeaux et elle est aussi porte-parole régionale de l'événement 24 heures de science. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Alors donc ce 24 heures des d'ailleurs, on vous reçoit chaque année pour nous dire ce que c'est, mais on va quand même le rappeler. Oui, alors le 24 heures de science, donc c'est une activité qui est organisée chaque année par un organisme qui s'appelle Science pour tous, qui est un organisme qui est basé à Montréal, mais qui rassemble des acteurs de la culture scientifique à travers tout le Québec et qui propose sur, en théorie au départ 24 heures, maintenant on déborde un petit peu, entre le 11 et le 12 mai à midi, à peu près 450 activités de loisirs, de culture scientifique à travers tout le Québec. Sur toutes sortes de sujets, avec toutes sortes de personnes, dans toutes les régions, il y a un thème pour cette année qui est le thème du mouvement, les choses en mouvement, comment les choses bougent, que ce soit les astres, que ce soit les idées. Alors chacun va pouvoir interpréter, s'approprier ce thème-là là à sa façon dans sa discipline peut-être. Exactement. Et puis donc cette activité là s'inscrit aussi dans un événement plus large qui émane au départ du 24 heures de science, qui est l'Odyssée des sciences, qui se passe elle dans tout le Canada pendant une semaine, qui inclut le 24 heures de science. Et l'idée c'est vraiment de permettre à monsieur et madame tout le monde de tout âge qui n'a pas nécessairement ni bagage scientifique, ni intérêt particulier, de se frotter à toutes sortes d'activités passionnantes pour essayer de comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Puis au travers de ces activités-là, ben, c'est une très belle occasion aussi d'apprendre un peu comment ça fonctionne la science, de développer son esprit critique, puis vous savez, on est à l'époque des fake news, on a besoin de se forger un esprit critique, et là c'est vraiment une très belle occasion qui est offerte à tout le monde et généralement gratuitement pour la plupart des activités. Les choses gratuites commencent à être rares dans notre monde, c'est une bonne occasion d'aller se divertir gratuitement avec une activité intéressante et où on va apprendre en plus des choses. Puis c'est aussi l'occasion probablement de rencontrer des chercheurs, donc parce que dans l'imaginaire populaire, souvent les chercheurs sont dans leur tour d'ivoire, mais c'est peut-être pas vraiment le cas. Et c'est l'occasion de rencontrer en chair et en os. Tout à fait. Et puis de leur poser des questions. Hein, des fois, on dit toujours les intellectuels, ben, c'est l'occasion d'aller les voir, puis de voir qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter. Ça peut être vraiment des belles opportunités pour des discussions, des idées, des jeunes qui voudraient éventuellement aller en sciences, ou des gens moins jeunes qui sont juste simplement curieux, ou qui ont juste rien à faire ce jour-là. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas participer aux 24 heures de science, finalement. Et puis, en fait, ça se passe à Québec, mais on va le voir au fur et à mesure de l'émission, ça se passe à un seul endroit, à plein d'endroits. Oui, tout à fait. Ça se passe partout. Je pense que vous allez parler beaucoup des activités qui se basent à Québec. Je pourrais peut-être vous parler un petit peu des activités qui vont se produire autour de Québec, dans les régions autour. Je sais que vous êtes écoutés jusque sur la rive sud. Donc, à Lévis, par exemple, on a une activité samedi matin pour les gens qui ont des enfants. À 9h30, à la bibliothèque de Lévis, on a une activité de fabrication de jouets sur les principes du mouvement. Donc, comment on exploite un peu la science du mouvement pour s'amuser à concevoir un jouet. Donc, ça peut être vraiment une activité très, très fun. Toujours sur la rive sud, un petit peu plus loin, puis peut-être pour des un peu plus grands, on a une activité à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud qui est organisée par une activité d'astronomie samedi toute la journée par le club Le Ciel Étoilé qui va permettre de suivre le mouvement du soleil. On retrouve la thématique du mouvement, puis je vous l'annonce, peut-être qu'il va faire beau rendu au 12 mai, donc on va peut-être même arriver à le voir, le soleil, et donc le suivre. Et puis, si vous allez plus dans la direction de Trois-Rivières, le 9 et le 10 mai, on a une activité off-festival un peu, qui est un grand salon des sciences qui est organisé par un organisme qui s'appelle Technosciences Mauricie, au Cégep de Trois-Rivières, et qui va permettre, c'est un événement auquel vont participer beaucoup, beaucoup d'organismes de la région qui sont actifs en sciences, des compagnies, des centres de recherche et autres. Et c'est une occasion un peu d'explorer les carrières scientifiques. Ah oui. Donc, d'aller faire des activités, écouter des présentations, suivre des gens, discuter. Il va y avoir les débrouillards qui vont être là. Mm-hmm. Il va y avoir toutes sortes de gens qui vont participer à ce grand salon des sciences. Mm-hmm. Donc déjà, ça donne une idée de la diversité des activités avec ces trois activités que vous venez de présenter. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, la semaine qui s'en vient, donc juste avant le 24 heures de science, mais qui inclut le vendredi après-midi du 24 heures de science, c'est la grande messe annuelle de la science au Québec avec le congrès de l'ACFAS, où à peu près 5000 congressistes se réunissent à chaque année, qui compte beaucoup quand même d'activités gratuites, accessibles au grand public, des visites de laboratoires et autres. Et ça se tient à Saguenay, toute la semaine à partir de cette fin de semaine. Donc là, on est plus que 24 heures de science, on est 7 jours de science. Oui, exactement. Puis il y a un volet à l'ACFAS, si je me souviens bien, il y a un volet avec les colloques chercheurs payants, mais il y a aussi tout un volet de conférences libres, gratuites, accessibles à tout le monde. Il y a beaucoup de conférences gratuites et il y a beaucoup d'activités gratuites. Il y a des enregistrements d'émissions de radio. Il y a plein d'activités parallèles. Il y a souvent là, des sciences. Il y a tout à fait. Tout à fait. Et vous-même, Valérie, vous avez également une activité, mais pas à Québec. Et voilà, alors j'ai fait une petite infidélité à ma région de Québec pour cette année. Je vais donner à Montréal l'activité que j'ai donnée l'an passé à Québec, qui est une conférence sur les antibiotiques et la décision partagée. Comment est-ce qu'on décide de prendre un antibiotique ou non quand on a un microbe qui se pointe? Et c'est une conférence que je vais donner à la Bibliothèque interculturelle à Montréal. Mm-hmm. Donc, pour une fois, on a eu à Québec la première et c'était un très gros succès. On redonne cette conférence à Montréal et je vais la donner en collaboration avec un médecin qui participe donc sur scène avec moi à la conférence. Fait que si jamais il y a des auditeurs qui regrettent de ne pas être là samedi, vendredi ou samedi pour le 24 heures, mais qui sont à Montréal, ils pourront se rattraper avec des activités vous à Montréal. Vous n'avez aucune excuse. Vous êtes à Québec, il y a des activités à Québec. Vous sortez de Québec, il y a des activités dans tout le Québec. Vous sortez du Québec. Tout le Canada offre des activités. Donc après, vous n'allez quand même pas aller aux États-Unis juste ce jour-là. Donc, vous devriez arriver à participer à quelque chose sans aucun problème. Et on trouve l'information où? Parce qu'il y a tellement de choses à voir. Oui. Où est-ce qu'on trouve l'information? Oui, alors toute l'information est sur le site internet du 24 heures de science qui s'appelle Science 24 heures. Alors, science sans S et 24 heures avec un S, évidemment, toutattaché.com. Donc science24heures.com. J'ai oublié de vous préciser une petite activité aussi que personnellement comme journaliste je trouve bien le fun, c'est l'activité Plume de science, le concours d'écriture d'articles de vulgarisation scientifique qui est ouvert à tous les âges, il faut préciser, il n'y a pas besoin d'être un enfant pour participer, il y a plusieurs catégories d'âge et qui est ouvert jusqu'au 20 mai. Donc c'est encore temps d'essayer de trouver une bonne idée. Donc ça peut être une activité, ça c'est une activité dématérialisée. Des journalistes en herbe finalement. Exactement. Donc si vous voulez vous essayer à jouer aux journalistes scientifiques, vous pouvez aller assister à une activité des 24 heures de science, puis faire ensuite un article et le soumettre à Plume de science. Quelle belle idée. Et là vous avez la totale. Quelle belle idée, n'est-ce pas? Merci beaucoup Valérie de nous avoir dressé ce portrait, cet tour d'horizon du 24 heures des sciences. Donc on vous souhaite une belle conférence à Montréal et on va poursuivre ici. Donc et comme vous le devinez, on va passer la prochaine heure à recevoir des organisateurs d'activités qui vont eux-mêmes vous présenter leur activité bien mieux que moi je ne pourrais le faire. Et on va commencer avec une activité astronomique qui se déroule à Cap-Rouge avec c'est une activité du club Vega de Cap-Rouge. Et donc j'ai à mes côtés monsieur Philippe Moussette qui est fondateur de ce club d'astronomie. Bonjour Philippe. Bonjour Valérie. Alors qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire avec le club Vega de Cap-Rouge dans le cadre du 24 heures des sciences? En fait, il y a deux activités. Il y a une première activité que l'on a le soir du 11 mai, aux alentours de 21h à peu près, on va avoir une activité d'astronomie, donc d'observation du ciel au parc Provencher à Cap-Rouge, en collaboration avec la Maison Léon Provencher. Donc, c'est ça, ça va être la deuxième année qu'on l'a fait. Évidemment, s'il fait pas beau, l'activité est annulée. Mm-hmm. Parce que, disons que l'astronomie, c'est très difficile. Un nuage, c'est pas terrible. Non, c'est ouais. ça, exactement. Ouais. Puis les journées comme aujourd'hui, ben on oublie ça. Mm-hmm. Hein? Et donc là, les gens, même s'ils n'ont pas de télescope, s'ils n'ont pas de connaissances, ils peuvent venir ouais. et ils vont profiter de l'expérience des gens du club. C'est ça, ils vont avoir club. Plusieurs télescopes sur place. Ouais. Est-ce qu'il y a des phénomènes particuliers qu'on peut voir en ce moment? Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de grosses choses. Il y a la planète Vénus qui est dans le ciel présentement, qu'on peut voir dans le ciel du soir, qui est très brillante. Mm-hmm. Mais à part de ça, il n'y a pas vraiment de phénomène spécial qu'on peut voir. Mm-hmm. Mais rien que regarder la Lune, j'imagine, ou voir peut-être les anneaux de Saturne, c'est toujours un spectacle ouais, ouais. particulier pour qui ouais, ne l'a jamais vu. Malheureusement, Saturne, il faudrait attendre jusqu'à peu près 1h du matin pour la voir. Là. Donc ça, c'est un petit peu tard. Ouais. Il y a Jupiter qu'on pourrait voir pour ceux qui vont rester un peu plus tard. Mais à part de ça, c'est ça, là. Ça. Pour la soirée d'observation, on va observer quelques objets et on va montrer évidemment quelques petites affaires là au niveau des objets astronomiques. Donc, puis on va expliquer un peu évidemment certaines choses là en astronomie aussi. Là, les membres vont pouvoir répondre aux questions des gens. D'accord. Oui. Donc ça c'est le vendredi soir. Et il y a une autre activité oui. le samedi matin avec les jeunes astronomes oui. en herbe là. Oui. Oui. Oui. Notre section jeunesse, oui. notre fameuse section jeunesse du club d'astronomie Véga de Cap-Rouge, qui est unique au Québec. Puis là, c'est notre expo science annuelle, si vous voulez. Mm-hmm. Cette année, 13 présentations. Donc, les jeunes qui vont présenter ont entre 3 et 17 ans. Mm-hmm. 3 et 17 ans? Oui. 3 ans? Oui. Oui, on a un petit génie dans notre club. On a 2-3 petits génies dans notre club cette année. Là, vraiment, ça a été une année un petit peu spéciale où, à tour de rôle, il y a eu un petit gars de 3 ans puis un petit gars de 4 ans qui sont entrés membres du club et qui connaissaient déjà leur planète, qui connaissaient déjà c'était quoi les trous noirs, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Fait que, moi, je suis plus surpris avec les conférences que je donne dans les écoles en astronomie. Puis les jeunes que je vois en maternelle puis qui savent déjà pas mal de mm-hmm. choses en astronomie, ça me surprend plus de, ouais. de Mais voir. Philippe, dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont faire ces jeunes? Ils vont faire des présentations en astronomie. Donc, des petites présentations. Il y a des thèmes là, sur les trous noirs, sur la relativité restreinte, sur au Club Véga de Cap-Rouge, nos jeunes là, sont assez avancés. Ils sont allumés. Ouais. Et est-ce que c'est comme aux expos sciences, on détermine un gagnant, oui. celui qui fait la meilleure compétition, oui, la meilleure oui, présentation? Oui, il y a des prix, évidemment, à gagner pour les jeunes qui participent. Et évidemment, on vous invite à venir en grand nombre de 10h à midi. Probablement que ça va s'éterniser un peu plus parce qu'avec 13 présentations, mm-hmm. on risque d'aller un petit peu plus loin. Mais accepter que ça débute à 10h et c'est au Centre communautaire de Cap-Rouge, au 4473 rue Saint-Félix. Mm-hmm. Et c'est ça, donc c'est notre grosse activité de l'année. C'est gratuit, donc tout le monde peut venir sans problème. Les deux activités sont gratuites, évidemment, celle soirée d'observation et celle aussi pour les mini-expo astro. Et évidemment, ben c'est ça, là, on va déterminer un gagnant mm-hmm. Comment à chaque année. C'est la 14e édition là, de notre mini-expo astro. Et la section jeunesse, elle vient tout juste de fêter son 15e anniversaire. Mmh. Très bien. Alors, on souhaite un bon 24 heures de séance au Club oui. Véga de Cap-Rouge, des belles observations samedi oui. soir et un gagnant le samedi matin. Oui. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Alors, on plonge maintenant des étoiles, on va plonger maintenant dans l'eau avec Peter Van Rolleghem, qui est le directeur de Centro. Centro, si je ne m'abuse, c'est le Centre québécois de recherche sur l'eau. Mais M. Van Rolleghem va nous le dire plus précisément. Bonjour, M. Van Rolleghem. Bonsoir, Valérie. Donc, Centro, en un seul mot, on comprend centre, eau, c'est on ça. Parle d'eau, mais plus précisément, qu'est-ce que c'est? On touche tous les aspects de l'eau souterraine, l'eau surface, les lacs, les rivières, l'eau en ville, tout cette eau-là, mm-hmm. on considère, puis on regarde tous les aspects. L'aspect technique, biologique, écosystémique, mais aussi gouvernance, gestion. Mm-hmm. Tous ces aspects centre sont de recherche interuniversitaire? En vue, on a maintenant un centre de recherche ici à l'Université Laval. Oui. Je suis le directeur. Puis on est en train de développer un centre de recherche au niveau québécois. D'accord. Donc, ce centre présente une activité sur l'eau. Oui. Et en quoi ça consiste? Ça consiste à une visite à notre station de traitement d'eau usée. Donc, il ne faut pas parler de plonger dans l'eau, dans notre non. cas. C'est pas très, très bon. Puis, on va visiter, on va ouvrir la porte de notre hall pilote qui vont permettre de voir la taille d'une station d'épuration qui traite 100 personnes. L'eau usée produite par une centaine de personnes. C'est la résidence de l'Université Laval. Je me demandais où est-ce qu'il y avait une usine de traitement des eaux. C'est sur notre site, c'est sur le campus même. Donc, c'est dans le campus qu'on peut visiter. Puis, on traite là l'eau usée qui vient des résidences sur le campus. Il y a aussi deux garderies qui rejette l'eau, on prend cette eau-là, puis on la traite, puis on fait de l'eau qui est très propre. Qui est très propre avec ça. Et ça, on veut démontrer avec les gens. Donc, on va permettre les gens à voir ça. On va le faire en groupe de 8 personnes, parce que sinon, on ne peut pas vraiment faire une belle visite. Puis, on va, pendant 2 heures, on va avoir 4 groupes qui vont visiter. D'accord. Donc, ça se passe quand? C'est le samedi, ça, j'imagine? C'est vendredi, parce que les étudiants sont là, les chercheurs sont chez nous, puis on ouvre la porte de l'université. Puis ça va partir à partir de 2 heures. Puis on a 4 groupes. Puis il faut s'inscrire sur le site. C'est ça, je me demandais. Il faut s'inscrire parce que sinon on ne peut pas vraiment s'organiser. Donc c'est sur le site web de Centro, www.centro.ulaval.ca. Est-ce que de cette visite qu'on va faire là avec ce centre de traitement des eaux usées de l'Université Laval, est-ce qu'on peut extrapoler ou voir comment ça fonctionne pour une plus grosse organisation comme la ville de Québec? C'est exactement par exemple. Ça. Donc, cette station est faite en fait pour faire la formation de nos ingénieurs de l'eau conforme chez nous pour faire la visite comme on va faire vendredi prochain. Puis l'idée, c'est que c'est exactement une copie en échelle réduite de ce qui se passe partout dans le monde en traitement d'eau usée. Donc, on va éliminer les polluants, l'azote, la matière organique, les pathogènes, tout ça est éliminé de l'eau usée. Puis, en faisant la compréhension de ces aspects-là, les étudiants peuvent comprendre, les gens qui vont visiter vont comprendre ce qui se passe vraiment dans nos stations d'épuration ici à Québec, par exemple. Oui, peut-être que ça peut nous sensibiliser aussi sur les eaux usées qu'on rejette de chez nous aussi. Exact, parce qu'il ne faut pas mettre tout dans le réseau. Exactement. Ça s'adresse à qui? Parce que là, c'est quand même un peu plus technique, peut-être, comme présentation. Donc, je pense ça s'adresse à qui? C'est les gens qui sont intéressés un peu à la technologie, qui sont intéressés à la biotechnologie parce qu'on utilise des bactéries pour faire ça, qui veulent savoir comment on gère nos eaux usées, la pollution. Puis comment est-ce qu'on vient d'une eau qui est brune à une eau qui est claire, qu'on peut rejeter dans notre fleuve, dans notre rivière Saint-Charles. Et est-ce que dans cette présentation, on la voit vraiment, cette eau brune qui arrive on la sent aussi. Ah oui, oui. Oui. Et on voit donc à la sortie l'eau qui est complètement claire au point, est-ce qu'on peut... Elle est potable? Peut-être non, pas potable, mais presque potable. Ça ne prend pas beaucoup de travail pour la faire potable à ce moment-là. D'accord. Et donc, de là, elle peut être rejetée dans les milieux naturels. Oui, mais nous, on ne le fait pas. On le rejette de nouveau dans le réseau parce qu'il n'y a pas de milieu naturel sur notre campus. Il n'y a pas de rivière là. Donc, on va de nouveau dans le réseau. Puis, on a traité un peu d'eau, de 100 personnes. D'accord. Ben, merci beaucoup, M. Van Rolleghem, pour cette visite. Et donc, on encourage tout le monde à voir quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir, une usine de traitement des eaux. Qu'est-ce que ça devient, nos eaux usées, quand elles vont à l'usine de traitement des eaux? Ben, là, c'est l'occasion d'en avoir une idée. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Van Rolleghem. Alors, on va rester dans l'eau avec le G3E. Et le G3E, c'est le groupe d'éco-surveillance de l'eau. Et je suis donc en compagnie de sa directrice, Nathalie Piedebœuf. Bonjour, Madame Piedebœuf. Bonjour. Alors, en fait, le G3E, plus exactement, c'est basé où? Qu'est-ce que ça fait? Quoi la mission? On est situé à Beauport, donc dans le quartier historique de Beauport. Oui. Et notre mission, c'est vraiment l'éducation, la sensibilisation à l'eau, à l'importance de l'eau, mais également à l'implication des citoyens. Donc, on développe beaucoup des programmes de sciences citoyennes. Donc, vraiment, l'idée d'amener les citoyens à découvrir l'eau, mais à s'impliquer pour la protection puis sa conservation. Donc, c'est vraiment l'idée d'une implication, d'un engagement. Mm-hmm. Donc, et c'est ça, nos actions se déroulent à l'échelle de la province du Québec. Donc, on est basé à Québec, mais on a plusieurs branches, si on veut, à travers la province, avec des organismes de bassin versant, entre autres. Okay. Et donc, c'est des activités qui sont à destination des jeunes ou de quelle tranche de la population? Je dirais, 80% de nos activités sont effectivement pour les jeunes, donc du primaire, donc de 6 ans jusqu'à fin du secondaire, également les cégeps. Mais on travaille également avec des organisations en environnement, donc un peu partout. Donc, mais majoritairement, oui, c'est beaucoup pour les jeunes élèves étudiants. D'accord. Et là, donc, dans le cadre du 24 heures des sciences, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou vivre? vivre ou expérimenter avec le G3E. C'est ça. Donc, nous, on est, ben, comme on est basé à Québec, on a un petit centre d'interprétation de la nature au centre de plein air de Beauport. Mm-hmm. Ça, c'est au camping, ça? C'est, oui, ou... l'ancien camping Villeneuve ou camping de Beauport, selon l'âge de la personne. Et donc, c'est ça. Donc, depuis, on est là depuis plus de 20 ans. Et depuis les dernières années, on a travaillé beaucoup sur les milieux humides parce que on s'entend que au niveau de l'environnement, c'est des milieux très, très importants pour la conservation de l'eau, justement, le traitement de l'eau, la filtration. Donc, durant le 24 heures de science, on veut amener le monde à découvrir les milieux humides du centre de plein air de Beauport. Donc, à travers une visite guidée là, avec une de mes collègues là, qui est très, très bonne. Donc, l'idée, c'est qu'on va aller justement amener les participants à découvrir ces milieux peu connus, un peu mal connus en fait. On a l'impression de les connaître, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Non, on voit souvent, bien qu'il y a de l'eau, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces milieux humides? C'est ça, souvent les milieux humides sont perçus ont une mauvaise perception parce qu'on dit que ça pue, que c'est plein de moustiques, que c'est pas agréable, mais ils filtrent l'eau, donc c'est des éléments très, très importants, des écosystèmes importants. Ils ont des animaux, évidemment, une flore à découvrir. Donc, vraiment, l'idée de cette activité, c'est de faire découvrir ces milieux méconnus. Et on espère de pouvoir observer des animaux qui y vivent. Qu'est-ce qu'on peut y voir, justement? Donc là, on est sur le bord de la rivière Montmorency. Oh, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on peut y voir? C'est sûr qu'on va... Là, on est dans la migration des oiseaux, donc on va pouvoir voir sûrement des oiseaux qui reviennent là. Donc, une panoplie d'oiseaux printaniers. Donc, on peut parler de parulines, des les pique-bois, des martins pêcheurs, possiblement des canards, là, si on est chanceux, donc, parce qu'ils viennent par là. C'est sûr qu'également, on entendra... Mais là, à cette heure-là, parce que c'est à 10 heures l'activité, on n'entendra malheureusement pas les grenouilles. Oui. Donc, puis il reste encore un peu de neige. C'est un microclimat hein, là-bas, donc il y a encore un peu de neige. Donc, c'est sûr que si par contre les personnes veulent retourner, là, ils vont pouvoir entendre les grenouilles là, bientôt chanter. Et la flore va commencer aussi. Donc, c'est une flore exceptionnelle. Là, donc, on retrouve plusieurs petites plantes de milieux humides, caractéristiques des milieux humides. Puis par la suite, les participants vont pouvoir aller visiter le petit centre d'interprétation. Donc, découvrir davantage là, les animaux qui y vivent et tout. Puis à travers l'activité, c'est ça, la guide va vraiment faire des activités interactives. Donc, c'est plus qu'une randonnée, c'est vraiment c'est très, très interactif. Là. Et ça se passe quand, en fait? C'est ça, donc ça va être le samedi. Donc, l'activité débute à 10 heures. C'est sûr que comme c'est un nombre limité parce qu'on veut vraiment rendre ça très interactif. Donc, ce qu'on suggère au monde, c'est de nous contacter là ou de nous appeler. De réserver. De réserver en nous appelant là, leur place. Puis, c'est vraiment pour la famille. Donc, on invite toute la famille. Considérant que les sentiers sont un peu boueux, ben les poussettes mettons sont déconseillées parce que ça va être un peu plus difficile à traverser. Exactement. Mais sinon c'est vraiment pour tout le monde, bien habillé, bien chaussé. Et puis là aussi c'est gratuit. Oui, tout à fait. Oui, bon, oui. Alors voilà une autre occasion, une autre invitation après la découverte des étoiles, des usines de traitement des eaux usées. Ben on va aller voir dans les eaux pas usées. Qu'est-ce qu'on trouve comme bibitte. Oui. Merci beaucoup Nathalie. Mais merci. Et un bon 24 heures de science. Merci beaucoup. Alors, on va rester encore dans l'eau une petite minute parce qu'il y a aussi une visite à l'Aquarium du Québec qui propose un atelier de démonstration sur les mouvements océaniques. Donc, on est dans l'eau, mais aussi dans le thème du 24 heures de science qui est le mouvement cette année. Donc, il y a plusieurs départs à 10h45, à 11h45, à 12h45 et à 14h45. Et l'atelier en lui-même est gratuit, mais il faut s'acquitter des droits d'entrée à l'aquarium. Alors, c'est assez pour l'eau. On va maintenant jeter un coup d'œil sur les oiseaux avec le COQ, qui est le Club des ornithologues de Québec, et avec la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel, qui nous propose tous deux des activités ornithologiques. Et c'est Jacques Anctil qui nous présente ces activités. Bonjour, Monsieur Anctil. Bonjour. On s'est déjà vu ici même pour présenter déjà des activités en ornithologie. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir avec le COQ ou avec la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel? Alors, c'est très intéressant parce qu'on est tout à fait en ligne avec votre invitée précédente parce qu'on va se retrouver dans des milieux humides, à savoir le domaine de Mézeray pour une partie et le parc des Hauts-Fonds à Saint-Augustin pour une mm-hmm. autre partie. En fait, le Club des ornithologues de Québec propose 4 activités dans le cadre des 24 heures de science. Premièrement, vendredi, le 11 mai, de 9h à 11h30, nous allons avoir une visite guidée au domaine de Mézeray, 2000 Bouvard-Montmorency, pour l'observation, l'identification des oiseaux résidents et migrateurs, mm-hmm. parce que pas tous les oiseaux qui arrivent au printemps. Il y en ouais. a plusieurs qui demeurent pendant la période hivernale et qu'on va pouvoir faire découvrir aux visiteurs de tout âge qui vont vouloir se déplacer pour venir à cette activité. Cette activité-là va être guidée par une personne qui a beaucoup d'années d'expérience dans le domaine. Qui va pouvoir nous dire où regarder, à quoi il faut faire attention, peut-être nous guider d'après les sons aussi, les chants des oiseaux peut-être absolument, aussi. Absolument, parce que c'est la période où on est en période de nidification, on se prépare à nidifier. Ouais. Donc, on a des beaux oiseaux en plumage nuptial pour une grande partie et on chante, on commence à chanter pour... La femelle et le mâle commencent à se chercher et ça chante. Absolument. Alors, les mâles sont en voie à cette période-ci de l'année, du moins le début. Alors, les gens sont invités à amener leurs jumelles, à pas avoir des vêtements appropriés parce que, bon, on le sait, c'est peut-être un petit peu frais là par les temps qui courent, malgré que pour samedi, ça semble que ça va être bien. L'activité se tient même en cas de pluie, donc il faut prévoir, si on désire y participer, d'avoir les vêtements appropriés. Et pour ceux qui auraient un guide d'ornithologie, bien, c'est un autre élément qui peut être intéressant. Mmh. Donc, on parlait du vendredi au domaine de Mézeray. Ça se répète le samedi, mm-hmm. toujours au domaine de Mézeray, même heure, de 9h à 11h30. Et on va avoir en plus une conférence qui va se tenir le vendredi soir de 19h30 à 21h, toujours au domaine de Mézeray. Cette fois, ça va être à l'intérieur, bien entendu, et ça s'adresse à un public de tout âge. Mm-hmm. Quels sont ces oiseaux qui nous entourent? Ça va être tenu par M. Norbert Lagroix, qui est le président du club. Alors, ça va être une présentation sur grand écran, avec des photos, avec des chants d'oiseaux, mm-hmm. avec des petits quiz pour l'identification, la recherche, et présentation de cartes de dispersion des oiseaux pour la région de Québec. Alors, tout ça est animé là, en soirée. Et le samedi matin, on continue à Saint-Augustin en même temps qu'on a une sortie ici à domaine de Mézeray. Je dis ici parce qu'on est dans... On est proche. On est près de Mézeray. C'est à Saint-Augustin, au parc des Hauts-Fonds, qui est situé au 300 Chemin du Roi à Saint-Augustin. Comme vous l'avez mentionné, c'est en collaboration avec la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel. Ça fait plusieurs années que les mm-hmm. deux organismes travaillent en collaboration pour réaliser cette activité. Et ça se continue cette année. Et donc, on aura l'occasion de visiter la réserve naturelle des battures de Saint-Augustin ainsi que les milieux humides qui mm-hmm. L'entourent. Et là encore, on va avoir un guide pour assurer... dans ce cas-là, c'est moi qui assure l'animation. Je suis la même personne qui a fait l'animation depuis peut-être 7 ou 8 ans. Là, je ne me rappelle pas exactement dans le cadre des 24 heures. Alors, c'est un peu la même chose. On fait le tour, on regarde les différentes espèces d'oiseaux à cette période-ci de l'année. Comme on l'a mentionné tantôt, bien, c'est la migration des bruants, c'est la migration des paludines. Et aussi, on l'espère, si la température de notre côté, on peut voir des rapaces aussi. Ah oui. Et dans les battures, est-ce qu'on peut voir des canards? Oui, effectivement. Selon la marée, c'est toujours là, à ce moment-là, c'est un peu différent de domaine de Mézeray parce que là, on a le jeu des marées qui entre en ligne mm-hmm. de compte. Et qui sait, peut-être qu'on peut avoir des belles surprises. Pas plus tard qu'hier, on a eu la belle surprise d'avoir un Harfang des Neiges qui était encore ici, attardé. Il n'était pas encore parti. Ouais. Alors, c'est le genre de surprise qu'on peut avoir quand on tient des activités de cette nature là, dans des milieux qui sont aussi riches en faune aviaire. Mais peut-être qu'une bonne combinaison, c'est d'aller à la conférence, de faire une pré-visualisation des oiseaux et d'aller mettre ça en pratique le lendemain matin. Absolument. Ouais. C'est une très bonne idée. Ouais. Puis je dirais même rapidement, avant qu'on aille à la pause à publicité, tant qu'à être au Hauts-Fonds, on peut au parc des Hauts-Fonds le matin pour voir les oiseaux. On peut y rester l'après-midi parce que se tient une autre activité, cette fois-ci sur les insectes, qui est proposée par la Société des Amis du Jardin Van den Ende. Donc, comme ça, on voit les oiseaux le matin, on voit les insectes l'après-midi et on a comme ça une bonne compréhension de l'écosystème du parc des Hauts-Fonds. Tout à fait juste. Et là encore, cette activité se tient depuis plusieurs années de la même façon. Les oiseaux le matin, les insectes l'après-midi. Et tout ça est gratuit. Absolument gratuit pour tout le monde. Eh ben merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Anctil, de nous avoir présenté ces activités. Et très vite, eh bien, on va passer en publicité. Mais restez avec nous parce que si l'eau, les étoiles, les oiseaux, les insectes ne vous intéressent pas, ne vous inquiétez pas. Nous avons plein d'autres activités tout à fait hétéroclites à vous présenter.